Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla. Quand tu me parles, je te réponds. Quand je te parle, tu me réponds. C'est ce que l'on appelle avoir une conversation. Parfois pour rire, on dit des mots de toilette, comme pipi, caca, ou pète. Mais après 10 fois, je commence à être tanné. J'ai le goût qu'on parle de nos jouets préférés. Quand je te parle, tu me réponds. Quand tu me parles, je te réponds. C'est ce que l'on appelle avoir une conversation. Quand on se chicane, on dit des mots pas gentils, comme bébé lala, grosse patate ou petit zizi. Mais après quelques minutes, on redevient copain. On parle de Spider-Man et de Flash machin. Quand tu me parles, je te réponds. Quand je te parle, tu me réponds. C'est ce que l'on appelle avoir une conversation. Je te parle, tu me réponds. Quand tu me parles, je te réponds. C'est ce que l'on appelle avoir une conversation. Rock and roll!